retirez lui sa pension, déchirez sa carte d'identité. Arki, Arki, sans zizi, sans zizi, tu fais pipi au lit, tu fais honte.